Mais c'était, vous savez, quand on était apprenti, c'était blague tout ça. On pensait qu'à faire des blagues. D'abord, le luthier, il était Quel réputé genre pour de ça. blague? Ah Ah, bon? ben, des blagues, pas méchantes, mais enfin, chahuteurs, tout ça, chahuteurs, on est bien. Ben, votre papa, il avait bien rigolé aussi. C'était un charmant garçon. Ben, alors, il était blagueur. C'était un gars du rock. Et Je l'ai les connu comme luthiers, ça. ils étaient connus pour faire des blagues? Ah, oh, ben en général, il y avait l'esprit fraudeur, comme disait Mirecourt, Ah c'était bon? ça. Oh là! Mmh.